Le sujet tabou des effets secondaires, une adolescente gravement atteinte après la vaccination Covid. Les médias devraient faire des reportages de manière objective et impartiale, en particulier en ce qui concerne les événements actuels liés au Covid. Cependant, de nombreux consommateurs de médias ont remarqué que les reportages sur le sujet de la vaccination Covid-19 sont souvent unilatéraux. Les risques sérieux sont à peine mentionnés alors que la vaccination Covid-19 est régulièrement promue. Par exemple, la mort d'un père de famille originaire des États-Unis a récemment fait le tour du monde. Il ne voulait pas se faire vacciner et il est décédé du Covid. On a pu lire cette histoire sur des dizaines de portails Internet en langue allemande. Aujourd'hui, Kla TV rapporte un autre événement, pourtant largement occulté par les médias, à propos du sujet tabou des effets secondaires de la vaccination. Le 28 juin 2021, une conférence de presse est tenue à Milwaukee, dans le Wisconsin, aux États-Unis, au cours de laquelle les familles impactées par la vaccination Covid ont parlé de leurs expériences. Cela concernait aussi bien les adultes que les enfants. La conférence de presse était organisée par le sénateur républicain Ron Johnson. Le témoignage suivant de la mère d'une adolescente de 12 ans est une voix parmi tant d'autres qui veut être entendue. La jeune fille était l'une des participantes volontaires à l'étude Pfizer menée auprès de jeunes de 12 à 15 ans. Depuis lors, elle est en fauteuil roulant en raison de graves problèmes physiques et doit être nourrie par sonde gastrique. Kla TV a déjà montré dans diverses émissions que ce n'est pas le seul cas, notamment dans l'émission sous le titre « Études sur la vaccination des enfants, les effets secondaires graves sont dissimulés ». En cette période de vaccination obligatoire croissante pour les adultes et les enfants, il est particulièrement essentiel de faire entendre ces voix et de laisser la liberté de choix à chaque citoyen. L'intégralité de la conférence de presse peut être écoutée en anglais à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Maddie a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer COVID le 20 janvier en tant que participante à un essai clinique pour les 12-15 ans. Nos trois enfants se sont portés volontaires et étaient ravis de participer à l'étude afin de retrouver une vie normale. Mon mari est médecin et j'ai moi-même un diplôme d'ingénieur en électricité. Étant donné que nous sommes des partisans de la science et de la vaccination, nous avons donc accepté que Maddie et ses deux frères aînés participent à l'étude. Avant que Maddie ne reçoive sa dernière dose de vaccin, c'était une fillette de 12 ans, en bonne santé, qui n'avait que des bonnes notes et beaucoup d'amis. Elle avait une vie remplie, était pleine d'énergie, contrairement à maintenant, même si elle a encore de nombreux amis. Au cours des 2 mois et demi suivants, des douleurs abdominales et nerveuses sont devenues insupportables. Elle a développé d'autres symptômes, notamment une gastroparésie, c'est une paralysie de l'estomac, des nausées et des vomissements, une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, des pertes de mémoire, des troubles d'élocution, des maux de tête, des étourdissements, des évanouissements, elle est tombée et s'est cognée la tête, ce qui a provoqué des crises d'épilepsie. Elle a développé des tics du langage et des tics moteurs, une perte de sensation à partir de la taille, ainsi qu'une faiblesse musculaire, des changements radicaux de sa vue, une rétention urinaire et une perte de contrôle de la vessie, des cycles menstruels abondants et a dû se faire poser une sonde d'alimentation. Ces symptômes sont toujours là, certains jours pires que d'autres. Notre plus grand défi, ça a été quand ces médecins ont commencé à envisager un autre diagnostic. Eh bien, elle n'avait vraiment pas ces troubles avant. Comme ils ne pouvaient pas comprendre ces symptômes, un médecin les a diagnostiqués de troubles neurologiques fonctionnels.